soirée vous est présentée par La Barberie. Qu'il soit symbolique ou esthétique, discret ou très voyant, le tatouage a une histoire. Il est ancré dans notre corps. Voilà pourquoi il faut bien faire les choses. Tatouage Celtic a fait ses preuves. C'est l'endroit de référence à Québec pour le tatouage et le perçage depuis maintenant 16 ans. Nos professionnels sauront vous conseiller pour faire les choix qui vous conviennent le mieux. Ils assurent un suivi personnalisé auprès de la clientèle de tous âges. Ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 20h et le samedi de 11h à 17h. Pour avoir des réponses à vos questions concernant le perçage, le tatouage, les bijoux ou le détatouage au laser, consultez notre site web tatouageceltique.com. 418-626-6158. Bonsoir tout le monde. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec. Et c'est l'émission Terra Incognita en compagnie de Bruno, France et Jean-François. Et on va passer encore un beau 2 heures de musique. De musique progressive et non pas néo-progressive, comme l'a dit Jacques. Ah oui, Jacques se sent coupable. Mais Bruno a été très fortement insulté là, par le terme néo-progressif. Et moi, je trouve pas ça si péjoratif, néo-progressif. Disons que le terme est peut-être un petit peu restrictif là, pour le genre de musique qu'on met. Et néo-progressif, est-ce que ça peut s'appliquer à des groupes comme Inner Odyssey, qui vient de sortir un très beau disque, hein? Très bon disque. Ben oui. Et leur lancement est prévu du deuxième album le 16 juin au Cercle. Oui. Un 5 à 7. Un 5 à 7. Oui. Et j'imagine qu'on va boire de la barberie. La barberie. Au Cercle, est-ce qu'il y a de la barberie au Cercle? C'est ce qu'on pourra voir. Et Inner Odyssey, on a baigné dans le Inner Odyssey parce que on est encore un petit peu là, sous le choc là, de la convention Terra Incognita qui nous a amené encore de la belle musique. Et du néo-progressif aussi parce que Elephant of Castle, je pense qu'on... Elephant of Scotland, pardon. Je pensais à l'ancien groupe, là, Elephant and Castle. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est un nouveau groupe américain, quand même assez récent, qui a donné une très belle prestation et très belle musique. Moi, j'ai été assez impressionné par le bassiste. Mais, il y a eu juste de la bonne musique lors de cette fin de semaine. On a beaucoup aimé Anecdotaine, bien sûr. Mais moi, j'ai été énormément surpris par Kaipa da Capo. Moi, je trouve que c'est la plus belle prestation de Ron Stolt dans les trois qui ont donné à la convention dans les dernières années. Je pense à Agent of Mercy et Flower King. Moi, je trouve qu'avec Kaipa da Capo, Et aussi un claviériste qui a beaucoup impressionné. On va en écouter d'ailleurs, pas dans ce bloc-ci, là, mais un petit peu plus tard dans l'émission, avec son groupe Marand. Et tu parlais de Inner Odyssey, qui qui vient de sortir un très bel album concept. Tu as jasé un petit peu avec Vincent Leboeuf-Gadreau. Oui, j'ai jasé un peu. Très content de ce nouvel album. Ils ont même demandé qu'on le critique. Sur la page Facebook de Maniaque de Prog, Louis Hamel a fait une très bonne critique de ce disque-là. Et c'est bien reçu. C'est un de nos meilleurs groupes prog québécois. Ben oui, c'est un disque de 70 minutes, donc beaucoup de musique. Ça s'appelle Ascension. Et encore une fois, c'est une pochette superbe. Ces jeunes-là de Québec, on a l'impression qu'ils ont beaucoup de moyens pour sortir un produit de cette qualité-là, aussi bien packagé. C'est un digipack avec un livret assez volumineux, des belles photos, des dessins vraiment splendides. Et un des membres me disait que pour la pochette du premier, ça avait été fait dans une cafétéria. Et je trouve que le résultat est assez extraordinaire. Ils ont fait une mise en scène, là. Ça donne quelque chose de vraiment très, très beau et d'une allure très professionnelle. Donc, bravo à Une heure Odyssée. D'ailleurs, qu'on a reçu ici en ondes, Michel Bilodeau les a reçus le 9, en fait, la semaine avant la convention Terra Incognita. Et, bon, on parlait de Elephant of Scotland. On va en écouter une pièce qui vient de l'album Good Morning Gettysburg. Ça a été enregistré au Rossfest en 2014. Et on va écouter aussi une pièce de Moon Safari qui, eux, ont enregistré ce disque-là au Bahia Prog. D'ailleurs, Bahia Prog, auquel a participé Il Castello di Atlante à quelques reprises. Et tout ça s'est relaté dans le livre qui a été traduit par Michel Bilodeau, dans lequel on trouve toutes sortes d'anecdotes, et entre autres, lors de leur passage à Québec pour la convention Terra Incognita, où ce que Paolo disait qu'il avait l'impression d'être en France quand il s'est retrouvé à Québec, parce que c'est une ville qui fait très européenne. Ben, on y va en musique. On commence avec Une heure Odyssée de leur album Ascension. On va entendre la pièce My Purpose. It means to be alive.

purpose of the journey, there is truth be told. Nothing I can say you don't already know. I guess it all started when I first laid eyes on something all too pretty for my childish sight. Such a lie got me hypnotized. And though my pretty face and velvet voice would do, I wish to bring a gift to show my love so true. First I picked some flowers, then I realized for this I need a greater scheme, a bigger dream, a surprise worthy of purple eyes. I climbed up again on heaven hill. That's where I found my dream. I stole the moon. Now we'll be married. My Omega moon. But we know you think you'll get a piece if you tell it straight. There's a room here for romantic flights and silly escapades. No, Chinaman, lock me in the tower, then I'll soon ascend. I'll do my time just thinking of a blood-red dress. I'll live and breathe alone and just the thought of her sweet caress makes every man confess. So I climbed up again on we'll be right back. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bière bouteille, 8 bières en fût. 10 bières bouteille, 8 bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Ouais, ben après... Après 8 bières en fût, je pense qu'on sera en forme. Toujours des bonnes pubs, la Barberie. Ah oui, c'est toujours amusant. On écoutait Moon Safari avec Mega Moon, extrait de Live in Mexico. Juste avant, c'était Elephant of Scotland avec Good Morning Gettysburg, la pièce Starboard. Et ce disque-là vient avec un DVD. Qui a le même contenu et c'est une qualité vraiment impeccable. C'est très belle image, très beau son, un très beau disque, un album double. Et on avait débuté avec Inner Odyssey qui... Inner Odyssey va être à l'émission Illusion auditive la semaine prochaine, des alentours de 9h, la deuxième heure de l'émission. Ça va être pour la deuxième heure? Oui. Bon, une interview avec, ça va être avec Vincent, je pense. Hein. Oui. Mais il a parlé, Jacques nous a dit qu'il ne serait pas tout seul, je pense. Mm-hmm. Mais en tout cas, ça devrait être très intéressant. Et je pense que tu avais quelques petites nouvelles. Les shows à venir? Ben oui, on peut parler de ça. Bon. Tu vas mettre du King Crimson tout à l'heure? Oui, à la fin du bloc, il va y avoir une petite pièce extrait d'Element Tour Box. Fait que King Crimson va être à Québec le 13 et le 14 novembre au Palais Montcalm et le 16 et 17 novembre au Saint-Denis à Montréal. Bon, mm-hmm. Ça fait de la belle visite. Oui, les billets sont en vente et presque tout vendu. Ben oui, ça se vend bien. On dirait plus c'est cher, plus ça se vend. Oui, très dispendieux. Et c'est tout pour tout de suite? Oui, pour tout de suite. Ben c'est ça, on garde trois ans pour tantôt. Et ben, pour l'instant, on y va avec The Tangent, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle A Spark in the Ether. Et c'est sous-titré The Music That Died Alone, volume 2, ou volume 2. Et c'est d'ailleurs, sur le volume 1, c'est d'ailleurs le thème de notre émission. Donc, on entend du Tangent à chaque semaine. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Code Peace and Capes. Et ce sera suivi du groupe italien Logos, qui me plaît beaucoup, qui a déjà joué à l'émission. Et on va entendre une pièce et ça va se terminer avec une courte pièce de King Crimson pour souligner leur venue à l'automne. Et, l'album, en fait, c'est un coffret là, qui s'appelle The Element Tour Box 2014. C'est une réédition parce que l'objet a été épuisé. Donc, la pièce qu'on va entendre, ça s'appelle Separation et c'est dans la, disons, plus dans la nouvelle période de King Crimson. A reaction to the self-indulgent, overblown, and pretentious groups of the 1970s. We can't. I could have tasted your success. Not lost with noisy rock bands on some fire escape in Leeds. Struggling with the Hammond, I'm playing till my fingers bleed. To an empty room. Or strife. prima vagante e qui mi poso ad ascoltare ciò che dicono le foglie. Eccomi nel tuo regno, signora di ferro, sono grandi campi grano maturo. E ovunque tu vada troverai rottami di auto abbandonate che stanno affondando lentamente nella palude silenziosa dei secoli, fino a diventare parte del sottobosco. I loro vetri saranno rotti e fradici e l'erba vi crescerà dentro a ciuffi. E si potrebbe anche immaginare che abbiano visto tempi migliori. Thank you.

CKRL 89.1, c'est l'émission Terra Incognita pour la prochaine heure encore. Et donc, l'autoroute, c'est pas dans quelques minutes, comme on l'a dit tantôt, mais bien à minuit avec Jacques et je pense que Vincent va être là. Vincent va être là aussi. Et on a terminé ce deuxième bloc avec Logos, le très bon groupe italien, avec l'Enigma de la Vita. Juste avant, c'était King Crimson avec Separation, une pièce de 2010 qui était inédite, et on retrouve ça sur le coffret The Element Tour Box. Et on avait débuté avec The Tangent. Et je pense que tu as des petites nouvelles, France. Ben les petites nouvelles, des vieilles nouvelles, autrement dit. On sait que M. Steven Wilson vient en Amérique du Nord le 27 et le 28 juin au Métropolis à Montréal. Le 29 juin à l'Impérial Bell, Québec. Et une nouvelle date s'est ajoutée, le 30 juin, au Casino Lac Lémy à Gatineau. Pour des informations, vous pouvez consulter la page Facebook de la capitale du prog. Bon, c'est bien ça. Et ensuite, concernant M. Wilson... Ah oui, toujours dans le même ordre d'idée. Dans le même ordre d'idée. On a vu que M. Wilson prépare le coffret de M. Steve Hackett, qui va être remixé et remasterisé de 14 CD. Ah oui, 14 CD. Il va avoir de quoi écouter. Oui. Et on dit que... J'ai vu deux sources. Là. Steven Wilson là, disait que c'est les quatre premiers qu'on va retrouver là-dessus. Mais Steve Hackett, ailleurs, il parle de six. Mais comme on parle de 75 à 83, je pense que c'est plutôt six albums à ce moment-là. Et il y a des disques en concert. Là, j'ai pas vu s'il y avait des DVD ou des Blu-ray avec ça. Mais on parle de l'automne. Hein? Oui, de l'automne. Et t'avais-tu d'autres petites nouvelles? Oh, on peut enchaîner avec les groupes qui vont venir cet automne, qui ont été annoncés. Riverside au mois de septembre, le 19 au Théâtre La Tulipe à Montréal, le dimanche 20 septembre à l'Impérial Bell à Québec. Three Friends, qu'on sait qu'ils viennent à Québec jeudi le 1er octobre à Saint-Hyacinthe, vendredi le 2 octobre au Palais Montcalm à Québec et samedi le 3 octobre à l'Olympia à Montréal. Et pour terminer, PFM qui vient en novembre, le 20 et le 21 novembre. Bon, c'est bien ça. Fait que réservez vos sous. On a parlé beaucoup d'Inner Odyssey tantôt, mais il y a un autre bon groupe qui n'est pas de Québec, par contre, qui est de Montréal. Mais on ne fera pas d'esprit de clocher. Mmh. C'est le très bon groupe Néodyme qui vient de sortir un nouveau disque qui s'appelle La Signature du Temps. Et Néodyme, on les a vus l'an dernier à la convention Terra Incognita. Moi, j'avais beaucoup aimé leur spectacle. Et de façon particulière, la claviériste, moi, j'avais trouvé qu'elle faisait une très bonne maître de cérémonie. Et à l'intérieur de la pochette, au dos du livret, on voit une photo qui a d'ailleurs été prise à la convention Terra Incognita. Je regarde ça, puis je trouvais que c'était une scène là, qui ressemblait beaucoup. Et effectivement, c'est bien ça. Et c'est le photographe attitré de la convention qui est crédité pour cette photo-là. On va entendre une pièce qui s'appelle « L'invasion ». Et ce sera suivi de Maran, M-A-2-R-A-N. C'est un mini-album, en fait, qui s'appelle « Vid Live ». Et la pièce qu'on va entendre, c'est « Ensama ». Et c'est le claviériste qu'on a vu avec Keipa Dacapo. C'est un claviériste qui a été assez surprenant. Nous autres, on l'a découvert là. Et c'était vraiment très, très bien. Et on va terminer ce bloc-là avec Amplifier, qui avait été demandé par un auditeur de l'émission. Et on nous demandait du Amplifier, mais l'album Mysteria, j'avais vu des critiques et... C'est un album qui est plus rock et j'étais moins tenté par ce disque-là. Mais avec toutes les compilations de fin d'année qui plaçaient ce disque-là dans les hauts pas mal là, des palmarès, je me suis dit, ben, il doit y avoir quelque chose là. Surtout que ça nous a été demandé. Donc, cet auditeur, s'il est en onde, devra apprécier la pièce Open Up. Et on débute avec Néodyme. Thank you.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bière bouteille, 8 bières en fût, 10 bières bouteille, 8 bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Oui, oui. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a terminé ce bloc avec Amplifier, comme je vous disais. C'est un disque qui est beaucoup plus rock que ce qu'on est habitué. C'est pas tout à fait les sonorités de Echo Street où c'était... disons, assez vaporeux par moi-même, mais on venait avec des bouts assez rock. La pièce qu'on a entendue, Open Up, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce son-là là, qu'on était habitué. Le reste, c'est beaucoup plus rock, mais c'est très bien fait. Moi, c'est un disque qui me plaît assez bien. Juste avant, on a entendu un son un peu plus rock blues avec beaucoup d'orgamen. Et c'est le groupe Maran, le groupe du claviériste de Kaipa Dacapo. On avait débuté avec Neodym. Un bon disque vient de sortir, La Signature du Temps. Et la pièce qu'on a entendue, c'est L'Invasion. On va poursuivre avec un disque. Je t'avais parlé, France, de la fille de Carrie Minear de Gentle Giant. Mm-hmm. Ben, c'est elle chante là-dessus. C'est surtout des ce qu'on appelle des chœurs, là, des backing vocals. Et sur ce disque-là de Dave Bembridge, qui s'appelle Celestial Fire, on retrouve beaucoup de monde, dont Damian Wilson, qu'on a connu avec Landmark, mais aussi avec Threshold, et on l'a vu aussi avec Arion. Il a chanté beaucoup avec Arion et d'autres projets de Arian Anthony Lucassen. Et Dave Bainbridge, lui, on l'a connu avec le groupe Iona. Et c'est un disque qui n'est pas facile à trouver. Mais on l'a retrouvé beaucoup dans les palmarès de fin d'année, lui aussi. Donc, je me suis mis là-dessus. Parmi les autres invités, il y a Randy George qui a accompagné Neil Morse lors de sa tournée. Mais en fait, c'est quasiment le frère siamois de Neil Morse parce qu'il est sur tous ses disques, ou à peu près. Et il y a une foule d'autres invités qui participe pas nécessairement à toutes les pièces, dont Troy Donnelly, qui fait des Yulin Pipe. Donc, c'est un disque, moi, je pensais qu'il serait un petit peu plus celtique. C'est dans la musique progressive. Là. C'est quelque chose là, qui se rapproche beaucoup de ça. Alors, on écoute la pièce-titre de cet album-là, qui s'appelle « Celestial Fire ».

et c'était Celestial Fire par Dave Bainbridge. Et la dernière voix qu'on entendait, ce serait probablement celle de Sally Minear, la fille de Carrie Minear, parce qu'elle est créditée pour Backing and Ethereal Vocal. Donc j'imagine que c'est ça, la voix éthérée. Et c'est déjà presque tout pour en ce qui nous concerne pour l'émission Terra Incognita. Mais on vous laisse sur une pièce de Il Castello di Atlante qui est extraite de Arx Atlantis, qui est, je sais pas si on peut appeler ça leur nouvel album parce que c'est spécial limited edition for Bayaprog 2014. Ils nous le vendaient lors de la convention Terra Incognita, et d'ailleurs la photo qu'on retrouve sous le disque, parce que c'est un digipack, ça a été pris lors de l'édition c'est 2013 de la convention Terra Incognita, où il avait fait une prestation assez remarquée. Et d'ailleurs, cette fois-ci aussi, c'était plutôt remarqué, n'est-ce pas, Madame France? Oh oui, c'est italien. Ah oui, c'est vraiment un bon groupe. C'est un groupe très dynamique. Et le nouveau claviériste qui est quand même une vedette chez nous, parce que il a officié longtemps avec Léon May, disons, dans la première partie, en fait, jusqu'à la fin des années 70. La plus belle période, quoi, de Léon May. Ben, c'est déjà tout pour nous pour l'émission Terra Incognita. Restez à l'écoute pour l'autoroute avec Jacques Dulac. Je crois que Vincent va se joindre à lui un peu plus tard. Donc, à la semaine prochaine. solo en la noche, con el protocolo en mente, solo en la noche, llorando vestidas de solo me imparato a proteger el mio cuore, dal giorno degli occhi, dal vuoto che mi assale. J'essaie de rentrer par infraction en haut de la porte.